12. La jolie histoire des nations pirates. Lu par Yves. La jolie histoire des nations pirates. L'exemple de la bataille du magnétoscope illustre un cas fréquent en propriété intellectuelle. La loi ou les décisions de justice font évoluer en permanence la frontière entre piraterie et copie légale. Rien de plus logique. Nous sommes bien en présence d'un droit fondé sur un compromis social, garanti par la puissance publique. Les États, les tribunaux et les électeurs ont donc vocation à choisir comment ils dessinent leur législation sur la propriété intellectuelle, comment ils arbitrent entre copie légale et piraterie, comment ils établissent la balance entre une protection stricte et la circulation ouverte des œuvres et idées. La première de ces décisions est d'accorder ou non un droit de propriété intellectuelle à telle ou telle catégorie de créateurs. Ce qui renvoie, bien sûr, à des questions ambitieuses. Qu'est-ce qu'un inventeur? Qu'est-ce qu'un artiste? Mais aussi à des choix de politique économique liés au niveau de développement d'un pays. L'histoire propose des dizaines d'exemples où des pays ont choisi de peu ou de ne pas protéger la propriété intellectuelle afin d'encourager l'essor d'une industrie à partir de l'imitation. C'est ce que rappelle un rapport commandé par le gouvernement anglais sur le sujet. Historiquement, les régimes de propriété intellectuelle ont été utilisés par les pays pour poursuivre ce qu'ils considéraient comme leur propre intérêt économique. Beaucoup de pays ont modifié leur régime à différentes étapes de leur développement économique, au rythme où leur perception de ces sujets et leur statut économique changeaient. C'est le cas de l'Inde avec son industrie pharmaceutique. Après le départ du colonisateur britannique en 1947, le pays s'est retrouvé avec une loi sur les brevets datant de 1911, assurant une protection forte aux médicaments. Résultat ? Une industrie pharmaceutique autochtone minimale, peu de fabrication locale et des médicaments à des prix élevés, conséquence des politiques tarifaires décidées par les firmes étrangères titulaires des brevets. En 1970, le pays décide de réformer son système afin de sortir de cette situation. Exit les brevets sur les médicaments, l'Inde ne veut plus dépendre du bon vouloir de l'industrie pharmaceutique anglaise ou américaine. Plusieurs laboratoires profitent de la nouvelle situation pour fonder leur commerce sur la copie de médicaments mis au point par des sociétés étrangères. Une industrie prospère apparaît. Cipla et Rambaxi en sont les principaux représentants, mais au total ce sont plus de 20 000 entreprises qui travaillent dans ce secteur et assurent plusieurs centaines de milliers d'emplois. Plus important encore, les médicaments peuvent être vendus à des coûts les plus bas possibles grâce aux économies faites sur la recherche et développement et à une loi contrôlant les prix. Le 1er janvier 2005, l'Inde a promis d'accepter les brevets sur les médicaments, une obligation contractée en signant l'accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle touchant au commerce, ADPIC, dans le cadre de l'OMC. Si l'industrie locale se montre évidemment inquiète de cette échéance, elle dispose désormais de nombreux atouts. La longue parenthèse sans brevet a permis de développer les compétences locales. Ingénieurs et chercheurs compétents et bien formés, systèmes de distribution efficaces, normes de qualité proches des niveaux des pays occidentaux. Depuis quelques années, les firmes indiennes ont même investi dans la recherche et développement pour sortir progressivement du modèle de pays imitateur et devenir un pays innovateur. Ce modèle de développement a bien entendu provoqué les hurlements des multinationales de la pharmacie, rendus hystériques par les agissements de cette nation pirate. Mais ce n'est qu'un exemple parmi de nombreux dans l'histoire. On peut citer Taïwan et la Corée du Sud, copieurs pendant leur décollage entre les années 60 et 80. La Corée a ainsi reconnu certains brevets dès 1961, mais leur validité se limitait à 12 ans et aucune protection n'était accordée sur la nourriture, la chimie ou la pharmacie. En Europe, au milieu du 19e siècle, les batailles entre pro-brevets et anti-brevets ont aussi été d'une virulence rare. La Hollande a même totalement aboli les brevets entre 1869 et 1912. Et la Suisse a résisté jusqu'en 1887 à leur introduction sous la pression des industriels locaux qui préféraient copier les inventions étrangères. Même les États-Unis ont usé des souplesses d'un régime de propriété intellectuelle adapté à leurs besoins. Mieux, à la différence des Indiens ou des Européens qui ne faisaient aucune différence entre inventions étrangères ou locales, le pays a longtemps pratiqué une politique protectionniste en ce domaine. Entre 1790 et 1836, la toute jeune République américaine dépendait fortement des importations de technologies étrangères et n'accordait des brevets qu'à ses ressortissants et pas aux étrangers. Idem en matière de copyright. Jusqu'en 1891, seuls les Américains pouvaient prétendre à une quelconque protection de leurs livres. Toutes les œuvres britanniques, très majoritaires à l'époque, circulaient librement, procurant des revenus faciles aux éditeurs locaux. Et nombre de personnalités influentes défendaient ce choix d'exception culturelle américaine, comme l'économiste Henri Carré. Ce que l'on appelle libre commerce ressemble au maintien des monopoles étrangers pour nous fournir des habits et du fer. Et le copyright international ressemble à la poursuite du monopole dont l'Angleterre a si longtemps bénéficié en nous fournissant des livres. Les États-Unis ont fini par signer un traité international sur le copyright quand le pays a estimé qu'il y avait plus à perdre qu'à gagner d'une politique protectionniste. Mais un pays peut-il encore aujourd'hui choisir ce mode de développement de l'Inde, des États-Unis ou de la Corée? Non, depuis la signature des accords ADPIC qui établissent les standards minimaux, proches de ceux en vigueur dans les pays développés, dans tous les domaines de la propriété intellectuelle. Les conventions internationales, sur les brevets ou le droit d'auteur, accordaient jusque-là beaucoup de flexibilité aux pays signataires, la première étant bien souvent de ne pas les signer. Mais, avec l'avènement des accords ADPIC, une grande partie de cette flexibilité a été enlevée. Le processus d'apprentissage technologique et le passage de l'imitation et de l'ingénierie inverse à la mise en place de capacités innovantes authentiquement locales doivent être désormais envisagés sous un angle différent du passé.